Cody. Allô, Cody. C'est Sonia. Aïe. Je t'ai laissé 3 messages sur ton répondeur et tu n'aurais pas demandé. Si tu pouvais prendre ne serait-ce que 5 minutes de ton temps pour me rappeler, ce serait vraiment cool. Bah écoute, je te laisse et je te fais un gros bisou et à plus tard. Bye. Allô, Cody. Ouais, c'est Loïc. Et depuis tout à l'heure, j'essaye de te joindre et ça me fait chier de dire ça à ton répondeur. Mais bon,